with my people, for my people. With my people, it's for my people. With my people, for my people. With my people, for my people. Oh. Hear me. about the hurt, about the shame, about the door, about the shame. Yeah. kapumba, nikabatingan, lembe, nikabatingan, mona bay, nama de bay, derrière l'épais brouillard du théâtre d'opération, mais qui es-tu? Qui es-tu pour me dire qui je suis? Toi qui ne sais même pas qui tu es. Les feuilles mortes se ramassent à la paix. C'est l'auto. Oser me dire qui je suis, qui oui, qui es-tu? Oui, qui es-tu pour me dire ce que je suis? Allô, allô, allô, allô, allô. Je t'entends pas fort, mon Pierrot. Je me cache, je me cache. Tu te caches, tu te caches, je te comprends. Mon ami, mon frère, je te comprends. Vraiment, mon frère, mon ami, n'y va pas de front. Le sang, non. C'est le feu. Des Don Quichotte, de Cervantes. On en connaît plein. Chaud de la panza. Au combat, front à front, ça finit mal. Ça finit mal. Ça finit mal. Ouais, il y a du sang, tu le sens. Quand il y a du sang qui coule dans la lèvre. Quand l'arcade fendue, quand il y a du sang qui coule dans nos veines, dans nos veines, dans nos veines, dans nos veines, dans nos veines, dans nos veines, dans nos veines, dans nos veines, dans nos veines. plein nos veines. Ouais, y'a du sang qui coule. Ouais, y'a du sang qui coule. Ouais, ça bat. Ça t'envoie des pulsations. Ouais, y'a du sang. Ouais, ça vit, ouais. C'est bon, c'est bon. Y'a de la vie, tant qu'y'a de la vie. Il paraît qu'il y a de l'espoir. Moi, je pense que l'espoir meurt avant la vie. Je te livre ça comme ça. Ça vient comme ça. Mais la vie, plus fort que l'espoir, plus fort que l'espoir. La vie, plus fort que l'espoir. La vie, les sons, plus fort que l'espoir. Les pulsations, les vibrations de tout ça naissent nos émotions. Ouais, c'est plus fort que l'espoir. C'est plus fort que toi. Tu sais pas pourquoi, mais tu sais pas pourquoi. Quand t'es content que l'espoir. Ouais, t'es tu l'aimes, mais tu sais pas. Tu aimes. Tu aimes cette sensation. Fort que l'espoir. Mais fort que tu consens. Tu consens. Ouais, t'es pas loin, t'es pas loin. Ça monte, ça monte. Prêt, prêt. C'est que t'es con, mais tu comptes content. Ça, et tu t'en contentes. C'est pas que tu appelle sois content, à mais émousses. Tu t'en appelle contentes. Appelle à tes émotions. Archaïque sensation, vibration. Grâce au son, la poésie, les sons mêlent. Tu sais que t'es con, tu consens. Tu t'en contentes. Tu sais que t'es con, tu consens quand même. Tu sais que t'es con, mais c'est pas que tu sois content, mais con. Que t'es bon sang, tu bon sang. Tu sais que tu con, mais tu consens quand même. Tu sais que tu con, mais tu donnes ton consentement. C'est pas que tu sois content, mais tu t'en contentes. Et tu t'en contentes. Tu donnes ton consentement. Tu sais que tu con, mais on est con. Tu consens, tu le sens, tu le sais, tu le sens, tu le sais, tu le sens, tu le sais. Depuis le temps que tu sais, tu sais qu'on te ment. Ouais, c'est pas que tu fasses semblant. Tu sais qu'on te ment, mais tu consens quand même. Mais qu'on est con, mais qu'on est con. C'est qu'on te ment, depuis le temps on sent. On le sait, on nous ment tout le temps. On s'en fout clairement. Qu'est-ce qu'on y peut franchement? Franchement, on est content. On est content. As-tu lu les règles? Est-ce que tu consens? Est-ce que t'es prêt? Donne-moi un papier pour voter. Ton consentement. Ça suffit et je suis. Ton consentement. Et tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu le sais, mais tu consens. amèrement, je le sens. Merci de jouer le jeu. Amèrement con, à 100%. Tu sais. Amèrement, ascendant, à 100%. Condescendant, allez, tu le sais. On accélère le mouvement. Demain. À chaque instant, tu es libre ou pas. Tu consens l'arme, maintenant que tu le sais. Ils l'ont vu voler, pas filé. Tu ne peux plus consentir aveuglément à toutes les propositions du marché. Big mama, big data, big market, big data, big B. Oui, tu le sais, oui, tu le sens. Fais pas semblant, mon frère. De pas savoir, tu le sais, tu le sens, ouais. Ça se passe à ce niveau, au niveau des pattes, ça te remonte jusqu'au cerveau. Si tu veux pas le savoir, gars, tu le sais, tu le sens. Tu as donné. Tu as donné. Ton consentement, give, you give, take, give, take. Give you all my love, give you all my soul. Give you all my love. Give you all my soul. What I need is over. What I need is over. What I need is, oh, need is over. Cette chanson difficile, traumatisme national. Abîmes spectaculaires de nos collectifs, pulsions, veni, vidi, vici, moi-même, pour rebondir sur sur mes pensées. Un match de foot, une émeute. Insurrection mal dirigée. Passera pas. I follow you. we try. Try, we try. We fail. We try again. Yeah, fail again. We try, we try. And we fail. Better. To the river to think, yeah, again and again. We go to the river now, to the river now. To the river to think, in the river to think. We go again and again down. See the moon. We go to the river. We go again and again. Search. Left behind hatred. See Italian. Moon river on my moon. Left behind the shore now. Weather back. Taking me. y a drifting. Far, far, far.